on attendait son retour. Il est là, parmi nous. Jusqu'au fin fond de l'univers, prosternons-nous. Dans une main, un pack de bière, dans l'autre, du sang d'enfer, prosternons-nous. Il se foutait de toutes ses barrières, Mr. G, le visionnaire, prosternons-nous. Jamais loin des filles, Mr. G a du style. C'est la force tranquille, le Mitterrand des envies. Du hardcore au zoulou, Mr. G touche à tout. Ouais, à tout. Du moins presque tout. Hurleur de charme pour les frangines, seigneur de femmes dans les fanzines, vendeur de râles en cuir et jean, compteur de larmes dans les usines, ouais, presque tout. Mr. G est partout, ouais, partout. Plus de nouvelles, plus de nouvelles. Et j'espère qu'on n'attendra pas 30 ans pour te voir marcher sur l'eau en tricotant. Moi, Muriel, l'eau.